48. Conversation. Écoutez. Alors, quand veux-tu aller au supermarché? Tout de suite. Il y aura moins de monde. Tu as besoin de quoi? De tout. Le frigidaire et les placards sont vides. Alors, on y va? Non, attends. Il faut que je fasse une liste pour ne rien oublier. Répétez. 1. Alors, quand veux-tu aller au supermarché? 2. Tout de suite, il y aura moins de monde. 3. Tu as besoin de quoi? 4. De tout. Le frigidaire et les placards sont vides. 5. Alors on y va? 6. Non, attends, il faut que je fasse une liste pour ne rien oublier. 7. Alors, quand veux-tu aller au supermarché? 8. Tout de suite, il y aura moins de monde. 9. Tu as besoin de quoi? 10. De tout. Le frigidaire et les placards sont vides. 11. Alors, on y va? 12. Non, attends, il faut que je fasse une liste pour ne rien oublier. Écoutez. On doit prendre de la viande? Oui, il n'y en a plus du tout au congélateur. Qu'est-ce qu'on prend? Un rôti de bœuf à manger bien saignant, des escalopes et de la viande hachée. Un gros rôti de bœuf? Oui, au besoin je le couperai en deux. Répétez. 13. On doit prendre de la viande? 14. Oui, il n'y en a plus du tout au congélateur. 15. Qu'est-ce qu'on prend? 16. Un rôti de bœuf à manger bien saignant, des escalopes et de la viande hachée. Dix-sept. Un gros rôti de bœuf? 18. Oui. Au besoin, je le couperai en deux. Répondez, répétez. 19. On doit prendre de la viande? 20. Oui, il n'y en a plus du tout au congélateur. 21. Qu'est-ce qu'on prend? 22. Un rôti de bœuf à manger bien saignant, des escalopes et de la viande hachée. 23. Un gros rôti de bœuf? 24. Oui, au besoin, je le couperai en deux. Écoutez. 25. Et du fromage, il t'en faut? 26. Oui, un assortiment. Du roquefort, un peu de chèvre, du brie un peu coulant. 27. Pendant que nous serons à la crèmerie, y a-t-il autre chose à prendre? 28. Du beurre? Des yaourts nature et aux fruits, de la crème fraîche pour faire la sauce des escalopes. 29. C'est tout? 30. Regarde s'il reste encore des œufs. Répondez, répétez. 31. Et du fromage, il t'en faut? 32. Oui, un assortiment. Du roquefort, un peu de chèvre, du brie un peu coulant. 33. Pendant que nous serons à la crèmerie, y a-t-il autre chose à prendre? 34. Du beurre, des yaourts nature et aux fruits, de la crème fraîche pour faire la sauce des escalopes. 35. C'est tout? 36. Regarde s'il reste encore des œufs. Écoutez. Tu veux passer au rayon des surgelés? De quoi as-tu besoin? De poisson. Mais réflexion faite, il est plus appétissant frais. Ce n'est pas ton avis? Si. Mais tu peux prendre des légumes. On les prendra plutôt en boîte, non? Je les préfère surgelés, même s'ils sont un peu plus chers. Répétez. 37. Tu veux passer au rayon des surgelés? 38. De quoi as-tu besoin? 39. De poisson. Mais réflexion faite, il est plus appétissant frais. Ce n'est pas ton avis? 40. Si, mais tu peux prendre des légumes. 41. On les prendra plutôt en boîte, non? 42. Je les préfère surgelés, même s'ils sont un peu plus chers. Répondez, répétez. 43. Tu veux passer au rayon des surgelés? 44. De quoi as-tu besoin? 45. De poisson. Mais réflexion faite, il est plus appétissant frais. Ce n'est pas ton avis? 46. Mais tu peux prendre des légumes. 47. On les prendra plutôt en boîte, non? 48. Je les préfère surgelés, même s'ils sont un peu plus chers. Écoutez. Tiens, puisque nous sommes dehors, on peut monter au rayon habillement des Galeries Lafayette? Oui, il faudrait trouver un pantalon allant avec ton blouson de daim. Martine, partant bientôt en colonie, il faut que je lui prenne un pull et un chemisier. Oui, en ce moment, il y a des offres spéciales intéressantes. Tu n'as pas envie de t'acheter un survêtement? Pourquoi pas? Je pourrais aussi le mettre le week-end. D'autant plus que le prix est intéressant. Effectivement, ça vaut la peine. Répétez. 49. Tiens, puisque nous sommes dehors, on peut monter au rayon habillement des Galeries Lafayette. Cinquante. Oui, il faudrait trouver un pantalon allant avec ton blouson de daim. Cinquante et un. Martine, partant bientôt en colonie, il faut que je lui prenne un pull et un chemisier. Cinquante-deux. Oui, en ce moment, il y a des offres spéciales intéressantes. Cinquante-trois. Tu n'as pas envie de t'acheter un survêtement? Cinquante-quatre. Pourquoi pas? Je pourrais aussi le mettre le week-end. Cinquante-cinq. D'autant plus que le prix est intéressant. 56. Effectivement, ça vaut la peine. Répondez, répétez. 57. Tiens, puisque nous sommes dehors, on peut monter au rayon habillement des Galeries Lafayette. 58. Oui, il faudrait trouver un pantalon allant avec ton blouson de daim. 59. Martine, partant bientôt en colonie, il faut que je lui prenne un pull et un chemisier. 60. Oui, en ce moment, il y a des offres spéciales intéressantes. 61. Tu n'as pas envie de t'acheter un survêtement? 62. Pourquoi pas? Je pourrais aussi le mettre le week-end. 63. D'autant plus que le prix est intéressant. 64. Effectivement, ça vaut la peine. Écoutez. 65. Nous voudrions un pantalon qui aille avec ce blouson. 66. Vous avez déjà vu quelque chose qui vous plaisait? 67. Quelle taille prenez-vous? 68. D'habitude du 50. Mais j'ai l'impression que ce modèle-ci taille petit. 69. Vous pouvez essayer. Les cabines d'essayage sont là. 70. Tant que j'y suis, je vais aussi essayer celui-là. Répondez, répétez. 71. Nous voudrions un pantalon qui aille avec ce blouson. 72. Vous avez déjà vu quelque chose qui vous plaisait? 73. Quelle taille prenez-vous? 74. D'habitude du 50. Mais j'ai l'impression que ce modèle-ci taille petit. Soixante-quinze. Vous pouvez essayer. Les cabines d'essayage sont là. 76. Tant que j'y suis, je vais aussi essayer celui-là. Écoutez. 77. Qu'en dis-tu? 78. En reprenant un peu celui-ci à la taille, il va bien. 79. Et l'autre? 80. Ce n'est pas un modèle très amincissant. 81. Non, pas de regret. C'est celui-là que je prends. 82. Bien, monsieur. Vous pouvez aller à la caisse. Répondez, répétez. 83. Qu'en dis-tu? 84. En reprenant un peu celui-ci à la taille, il va bien. 85. Et l'autre? 86. Ce n'est pas un modèle très amincissant. 87. Non, pas de regret. C'est celui-là que je prends. 88. Bien, monsieur. Vous pouvez aller à la caisse.